sur un petit air de liberté. Ah, retrouver la ville de son enfance et l'inoubliable ficelle, ce métro qui relie le petit port d'Ouchy sur le Léman au centre-ville de Lausanne. Faustine ne se lasse pas de vadrouiller partout où ses pas la portent. Elle a obtenu les clés de son studio en un temps record et signé le bail pour 3 mois avec une jubilation certaine. Les jours suivants, elle a complété la batterie de cuisine et aménagé son nid à son goût. C'est fou ce qu'un vase garni de quelques fleurs peut vous changer la vie. Le studio est pourvu de 2 lits, une table de cuisine en formica, 2 chaises, un canapé suédois 2 places et 2 fauteuils. Tout cela tient dans la pièce à vivre. La salle de bain est borgne, mais possède, luxe suprême, une baignoire. Dans l'entrée, de très grands placards de rangement font le bonheur de la nouvelle locataire. La partie kitchenette, comme ils disent, est pourvue d'étagères en suffisance. 3 plaques électriques et un minuscule frigidaire. Il n'y a pas de four et c'est tant mieux. Faustine voudrait perdre quelques kilos. Ce sera chose facile, sans mari compliqué à nourrir et sans possibilité de pâtisser. Il n'y a pas de tapis non plus sur le linoléum, donc pas besoin d'aspirateur. Un simple balai suffit. Le temps passé au ménage sera réduit au minimum. Sitôt qu'elle est installée, Faustine se lance dans la tournée des agences intérimaires. Elle espère s'amuser autant ici qu'autrefois à Paris. Mais les temps ont changé, et pour cause. La blessure de son deuil est encore vive, la sérénité loin d'être acquise. Il arrive que l'ex-maman reçoive des gifles émotionnelles violentes. La vue d'un landau, le vagissement d'un nouveau-né, réveillent en elle un bouleversement à couper le souffle. Ses larmes coulent sans prévenir, la laissant chaos debout, en plein désarroi, au milieu d'une foule indifférente. Cela arrive n'importe où, dans le bus, dans la rue, au travail. Il suffit d'une image, d'un son. Faustine continue les séances chez le psychiatre, toujours avec la même insatisfaction. Elle n'est pas entendue, ne sait manifestement pas se faire comprendre. Maman ne l'aide pas non plus, qui refuse toujours de parler de Julien. Son ombre flotte pourtant entre elles deux. Faustine aimerait savoir pourquoi sa mère lui a interdit d'envoyer les photos du bébé. Elle aimerait comprendre et pardonner le chagrin que cela lui a causé. Elle restera sur sa faim. Elle est non-dit dans leur placard. Maman répète son implacable « C'est mieux pour tout le monde qui n'ait pas survécu dans cet état. » Mais comment ? Comment expliquer que Julien n'était pas juste un malade, un mourant en puissance, comme nous tous, mais également un bébé, un petit garçon à la joie de vivre contagieuse, un soleil dont le souvenir réchauffe encore sa mère. Faustine a vécu les mêmes expériences, les mêmes doutes, les mêmes aventures que toutes les mamans du monde. Elle aurait tant voulu partager avec sa propre mère les péripéties de son accouchement, ses dilemmes des premiers jours, et surtout rire de ses maladresses. Or, maman prétend qu'elles en ont déjà parlé lorsque Faustine est venue présenter Julien en avril dernier, puis lorsqu'elles sont venues la voir à Paris avec papa. C'est faux, archi faux. À aucun moment on ne les a laissées seules dans cette intimité féminine si propice aux confidences. Lasse d'essayer de se faire entendre, Faustine jette l'éponge et réduit la fréquence de ses visites au boulevard de Grancy. Elle n'y viendra ponctuellement que pour relever ses messages téléphoniques, puisqu'elle ne peut faire installer un appareil chez elle pour 3 mois seulement. En attendant qu'on lui trouve un job, elle s'attelle à retrouver la forme. Faustine s'inscrit à l'école Club Migros, section sport. Un cours est dispensé dans une salle de gym juste en dessous de chez elle. Elle s'engage à y aller 2 fois par semaine. Comme dans tous ces trucs bons pour la santé, elle s'y rend à reculons. Mais malgré tout, on constate rapidement les effets bénéfiques. En quelques séances, elle perd 3 kilos et acquiert plus de souplesse. Par contre, elle ne s'y fait pas d'amis. Toutes les femmes qui sont là ont une famille et des enfants. Elles se dépêchent de rentrer chez elles après leur récréation, n'ont pas le temps de prendre un verre, du moins pas avec elles. Puisque c'est ainsi, Faustine a repéré un nightclub près de chez elle, ouvert le week-end uniquement. Après le cours de gym du vendredi soir, elle y fait un saut. Sonia, la responsable du vestiaire, l'accueille avec enthousiasme et l'adopte aussitôt. Faustine prend vite de bonnes habitudes et fréquente l'endroit régulièrement. Vu le peu de monde, elle investit la piste de danse à elle toute seule, complétant le cours de gym en se shootant aux endorphines. Il lui arrive de boire, mais pas souvent, et seulement en compagnie de Sonia quand celle-ci accepte un verre. La musique est bonne, le barman sympathique. Pendant le passage des stripteaseuses anorexiques, Faustine écoute Sonia lui raconter sa vie. Son parcours est passionnant. Avant de devenir dame vestiaire, elle a été mariée 6 fois et vient juste d'enterrer son 6e mari. 6 fois veuve, imagine! Faustine ne se lasse pas de l'écouter. « Et si tu rencontrais maintenant, tu l'épouserais ?»« Oh non, plus question de mariage pour moi. J'ai l'impression que je leur ai porté la poisse. »« Ils ne t'ont même pas laissé leur fortune ?»« Fortune ? Tu veux rire ? Ils étaient tous plus fauchés que moi. C'est bien pour ça qu'on ne pourra jamais m'accuser d'homicide. »« Parce que tu n'avais pas de mobile. »« Quoique, une ou deux fois, j'en aurais bien eu un de mobile. » Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Certains m'ont fait des coups tordus, tu n'imagines même pas. Mais tu as résisté. Parce que je n'avais pas de gigot congelé. Comme dans le film d'Hitchcock, Lamb to the Slaughter, en français, coup de gigot. Quelques jours plus tard, l'agence Manpower de Lausanne confie à Faustine sa première mission. Elle commencera début mars. Il ne reste plus qu'à patienter en occupant son temps judicieusement. Une idée insidieuse la traverse. Et s'il ne retournait pas à Paris? Elle écrit un soir à Maxime, lui balançant le cliché adolescent le plus éculé. Elle se cherche, elle veut se trouver, refaire sa vie, laisser son chagrin derrière elle. Elle doute que la vie leur laisse une deuxième chance. Ensemble, ils n'arriveront à rien, etc. Oh là là, que n'a-t-elle pas dit là? Maxime grimpe aux barricades, s'étouffe de rage, accuse la reine-mère d'avoir tout manigancé. Pour une fois, c'est faux. Il adjure sa femme de ne pas prendre une décision aussi importante à la légère. Il est certain que tout est encore possible pour eux. Il l'aime passionnément, encore plus qu'avant. Avec ou sans enfant, il la rendra heureuse. S'il se trompe, elle lui apprendra. Rien n'est perdu tant qu'ils peuvent communiquer, si elle ne lui tourne pas le dos. Il répète qu'il a des quantités de projets, il n'est pas trop vieux, il peut rallumer le volcan qu'on croyait éteint. Et bla, et bla, et bla, on connaît la chanson. Mais il faut absolument qu'il puisse en discuter dès que possible. Que Faustine vienne à Paris, il se charge de la convaincre. À bout d'arguments, Faustine obtempère. Ils se voient à Saint-Rémy le dernier week-end de février. À force de caresses, de compliments, de promesses, de manipulations, disons ce qui est, ils la persuadent une nouvelle fois de ne pas jeter leur couple aux oubliettes. On n'a même pas essayé l'insémination artificielle. En plus, tu voulais faire une demande de citoyenneté française. Tu l'espères depuis si longtemps, ton passeport français. Ça serait dommage d'abandonner maintenant, non? Si près du but. Tout cela prendra du temps, mais en vaut la peine, tu verras. Pour commencer, je vais contacter les B pour leur demander s'ils veulent bien nous vendre la maison. Elle te plaît toujours? Oui, bien sûr. Alors on la mettra à ton nom. Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire. À nos deux noms, ça va aussi. Parce que ça m'évitera de payer des impôts dessus. En attendant, je fais virer mes royalties directement sur notre compte suisse. Sitôt qu'on aura de quoi couvrir le montant des fonds propres, tu rapatrieras l'argent. Mais je ne vais pas attendre pour contacter les propriétaires et entamer les démarches. Mais tu es bien conscient que je vais rester à Lausanne pendant 3 mois encore? Bien sûr. Prends ton temps. Soigne-toi, mais reviens-moi. Ta voiture t'attendra, je m'en occupe dès lundi. Encore raté. Faustine s'en veut de s'être laissée amadouer si facilement. En même temps, les arguments de Maxime sont solides. Laisser tomber maintenant serait vraiment du gâchis. Un couple, un mariage stable, cela se travaille, ce n'est jamais acquis. Pourtant, quand elle interroge son cœur, Faustine sent bien que quelque chose cloche. Pas parce qu'elle ne croit pas en l'amour de Maxime, mais parce qu'une nuit de désespoir, elle a couché ces quelques mots sur le papier et qu'ils l'interpellent de plus en plus souvent. Quand il ne vous reste plus rien de la vie, ni la peur d'être seul, ni l'angoisse de mourir, vous n'avez pas encore connu le pire. Le pire, le savez-vous, ce n'est pas de déplaire. Le pire, c'est de ne plus aimer. Ne plus aimer, la phrase qui tue. Rester malgré l'indifférence qui s'installe, rester juste pour des satisfactions matérielles. Enfant, double nationalité, voiture, maison, est-ce que ce n'est pas de la prostitution? Faustine aimerait retrouver sa liberté, refaire sa vie. Mais quel homme sain d'esprit tombera amoureux d'une alcoolique paumée de 30 ans? Soyons lucides, il y a tellement plus de femmes que d'hommes sur cette terre. Refuser la proposition de Maxime équivaut à accepter de finir sa vie seule. Se mettre au banc de toutes leurs connaissances ainsi que de sa belle famille, quitter Paris, renoncer à la nationalité, à leurs amis, à une carrière. Et ça, est-ce qu'elle est prête à le faire? Non, pas encore. Pas maintenant. Pas dans cet état de fragilité. Faustine pleure beaucoup ces temps-ci. Elle se sent plus seule que jamais. Évidemment que maman l'encouragerait à laisser tomber et lui apporterait son soutien. Elle voit les choses avec plus de recul et sait bien que rien n'est jamais perdu. Mais elle l'a si souvent trahi que Faustine ne lui fait plus confiance. Alors elle décide simplement de reporter toutes les décisions importantes à une date ultérieure et de vivre le mieux possible ces 3 mois hors contrainte conjugale que la vie lui accorde. Le 5 mars, elle commence sa mission chez Edita S.A., maison d'édition réputée, située au chemin du Valentin. Un couple étrange que ce patron dégingondé, vieux hippie sur le retour, tiré à 4 épingles, et sa secrétaire, vieille demoiselle perfectionniste d'une lenteur affolante. Ils ont besoin d'aide car ils souhaitent éditer un nouveau livre sur les derniers grands voiliers qui sillonnent le monde. Pendant qu'ils élaboreront la maquette de cet ouvrage, Faustine prendra en charge l'administratif courant, enregistrer les commandes par téléphone, confirmer, envoyer et facturer. Il n'y a pas beaucoup de travail, cela lui laisse du temps pour ouvrir les yeux et les oreilles, profiter de l'inépuisable culture de son employeur. Très pédagogue, celui-ci partage volontiers son savoir éclectique avec ses secrétaires. Faustine ne tarde pas à se rendre compte que sa collègue, avec laquelle il lui arrive de déjeuner, est subjuguée par ce grand monsieur. Amoureuse comme une adolescente. Las, l'homme marié et bien marié accepte cette adulation avec une parfaite indifférence. Les 3 semaines que l'intérimaire passera dans cette ambiance chaleureusement intellectuelle lui laisseront un très joli souvenir. Pendant ces soirées, Faustine remplit des cahiers, gribouille de longues lettres à Maxime, laissant brûler ses steaks par distraction. « Il n'y a pas une pinute à merdre », lira-t-elle dans un roman hilarant. Elle fera sien ce dicton en l'état. Sa liberté conjugale, elle la savoure. Avant la fin du mois de mars, elle laisse tomber son psy, définitivement inutile. Voilà qui lui laisse encore plus de temps pour redécouvrir sa ville. Depuis le boulevard de Grancy, gravir le petit chêne, cimetière redouté des talons aiguilles, traverser la place Saint-François, laisser de côté la clinquante rue de Bourg pour redescendre vers la place Pépinet, passer devant chez Payot, zioter les nouveautés, remonter à droite vers la place de la Palue, alias de l'Hôtel de Ville, grimper la rue de la Madeleine et arriver à bout de souffle, place de la Riponne. Juste à droite du palais de Rumine, un escalier coupe-jambe débouche sur la rue Cité Devant. Et de là, escalader les marches multicentenaires en bois sironné qui mènent au parvis de la cathédrale. La vue extraordinaire sur le lac et les Alpes françaises vous récompense de tous vos efforts. On dit que les Lausannoises ont les plus belles jambes du monde à force de sillonner les 3 collines de la ville. Ce n'est pas Faustine qui les contredira. Thank you.